C'est boss flow stack contre la scène qui veut me fuck up. Oublie ça, j'suis pas venu pour visiter ce spot. Mais c'est le top que j'veux, écoutez ce que j'ai à dire, shut up. C'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous. Faut que tu te rendes debout, même si te demande la peine, j'suis infini ou. Sur moi, j'm'inquiète, j'suis pas pour beaucoup. Mais toujours su qu'un jour, il y aurait quelque chose qui sortirait du tout. J'ai un chemin de fer, j'suis même pas rendu à moitié. Mais j'peux se décider qu'un prêtre va suicider. Tant qu'elles sont détournées, vraiment du racisme, je sais. Disons, va faire mourir éliminé par abandon. Le spot t'éclaire comme tout rush. Faut que j'pète une coche à force d'être entouré de plein de gros poches. J'suis une dentier, man. Toujours votre code fucking succès. T'attendais pas à ce que je sois vrai. Aux yeux, j'vive au state, ce que j'monte la ville, c'est mettre ce buzzy boy sur un stick of shit. J'avance les ennemis, puis j'approche l'exit. Faut que j'en vous spit des fâchés. Aux yeux, j'vive au state, ce que j'monte la ville. Faut que ce buzzy boy soit des meilleurs shit. J'avance les ennemis, puis j'approche l'exit. Faut que j'en vous spit des fâchés. Ok, ok, comme vous voyez là, j'vois en train de niaiser. Ok, personne, hey, bouge pas, tabarnak, j'niaise même plus. Là c'est pour vrai, j'm'en viens, ma gang t'en fuck. Ok, là j'ai plein de QG, j'commence à venir menaçant. J'ai peut-être moins peur, j'en fais des plus grands. J'suis chiant, fréquent, insignifiant, dérespectant. Pratiquement seul en thérapie dans le boisson. You le fucking ascenseur que j'm'en détache. J'sais pas ce qui cueille Chris Crip, mais moi j'change de place. Jamais joue une carte simple sur ma source. Puis j'ai commencé j'course. Si vous voulez me payer, moi j'me flex avec ma bourse. Faut courder ses tapettes, ça nuit à ta carrière. À la place de tes fucking faggots. Mon langage m'attire plein les avantages. J'suis en mode propre dans mon âge. C'est ça que j'ai rugué mon otage. Personne bouge. Personne move avant que je parte. Chasse qu'est-ce qui se passe avec mon rap underground rap. Ça fuck, pas ma soupe comme un canac grave. Tu m'aimes pas, laisse mon CD ou tu vois le cas. Aux yeux, j'vive au state, ce que j'monte la ville. C'est mettre ce buzzy boy sur un stick of shit. J'avance les ennemis puis j'approche l'exit. Faut que j'en vous spit des fâchés. Aux yeux, j'vive au state, ce que j'monte la ville. Faut que ce buzzy boy soit des meilleurs shit. J'avance les ennemis puis j'approche l'exit. Faut que j'en vous spit des fâchés. C'est un stick of shit. Yo, fume-le. Rendez-vous. Ouais, ça commence. Je dis, niaisez plus avec moi parce que ça va aller mal. DBT, right? Gang de fils de pute. Yo, Two Danger Production. Yeah. Bro, check studio. Ah non, encore là. Yeah. Vas-y, beat.